fait sa fissa. Pas de faiblesse sur mon visage. GTR si je prends Nissan. Je rêve de new paysage. Ferme les yeux, juste Nko Iba. Je ferme les yeux, juste Nko Iba. Et je traîne et je traîne toute la noche. Je vise ma peine dans la taille et je suis touché. Et je traîne et je traîne toute la noche. La crème va me coucher. Je suis toujours dehors, collé à mes proches. J'appelle ça des frères, non ce n'est pas des potes. Sachet rempli de poches, sous ma banquette arrière. Au milieu de la chop, y'a le 22 qui traîne. Je suis toujours dehors, collé à mes proches. J'appelle ça des frères, non ce n'est pas des potes. Sachet rempli de poches, sous ma banquette arrière. Au milieu de la chop, y'a le 22 qui traîne. La 25e, on est là, radiosud.net 101.8. Ce soir, c'est Kirikou qui est là avec nous. On attend Jounès, après on balance la sauce. Yes. BRK, j'y pense, il était aussi chez nous. BRK. Les yeux rouges sang. J'ai les yeux rouges sang. Les professeurs les ont souvent vu prier. Les professeurs les ont souvent vu prier. J'ai les yeux rouges sang. Les soeurs les ont souvent vu prier. Hein? J'ai les yeux rouges sang, les professeurs les ont souvent vu briller. Sont-ils conscients que quand je ne ris pas, moi je me mets à prier? Hein? Des billets pour s'appuyer, perdu le temps, les affaires m'ont montré que l'âme est triée. Hein? La frappe j'ai rapatrié, si tu veux voler mes plans, faudra pas trop crier. Hein? On aime ça et la musique, aujourd'hui j'ai comme petit public capable de me faire briller. On fait des appels à Dieu pour que ce ne soit que des au revoir. J'y pense tous les soirs, mener notre belle vie à deux. Hein? Ami du verbe de se voir, mais j'ai toujours l'espoir de recevoir. Tu veux me revoir? Tout ça c'était que des mots, c'est devenu démodé. Est-ce que t'en dis quand je te dis que ceci n'était que la démo? On veut le buzz à des mots et la conscience à Adama. Tout ce que je peux dire c'est que dans quelques temps il y aura des morts. Hey. Tout ce que je peux dire c'est que dans quelques temps il y aura des morts. Hey. Hey. Dans quelques temps il y aura des morts, un bédon on redémarre. Pour nous le rap aussi facile que le ballon pour Neymar. La concu elle en a marre, mais j'ai jeté aucun sort. Elle me voit comme des cauchemars, appelle-moi Voldemort. Je suis le fantôme qui te fera froid dans le dos, ouais. Restez droit non extendo, c'est pas dans Nintendo. Une seconde et l'avenir de ta vie devient tendu. Une seconde et l'avenir de ta fille devient pendu. Mes potos je les ai aimés, je les ai défendus. Regarde méfiant quand ces enculés sont descendus. Aucune narine fendue, on préfère se bousiller le vaussaire. Se demander à quoi ça sert pour compter les crânes vendus. On rêve d'un beau tour de la terre, d'un bon voyage avec ses frères. C'est que dans les comédies, vu que les tiens sont en garde à vue. Même si t'as les neurones qui serrent, tes décisions sois-en sûr. J'ai choisi la musique pour percer avec censure. J'ai choisi la musique pour percer avec censure. Une chose est sûre, personne me renverra l'ascenseur. Faudra que je fasse attention à tous mes frères et sœurs. Ne pas faire tomber les pansements qui pensent mes blessures. La population est dense. Non, tu danses quand? J'ai rappé mes premiers textes, putain j'ai mes temps stand. On se demande je perce quand, mais c'est Dieu qui donne. Et notre relation dans tout ça, dis-moi on y pense quand? Et notre relation dans tout ça, dis-moi on y pense quand? Et notre relation dans tout ça, dis-moi on y pense quand? Dis-moi on y pense quand? DG 7-0, yes. Ils étaient aussi chez nous, yes, yes. Jounès est arrivé, Jounès est arrivé. On va pouvoir commencer. Yeah. Oui, c'est du mat, je vous dis DG, c'est une obligation tout niquer. Je pars en mission, flow RSK, je la glisse comme un kit 4, 4, 4, tout terrain, MT1, donne-moi la main, on a rien sans rien, je te la termine en missionnaire ou à 4 pattes. Trop sadique, j'en fais mouiller mon style oblique, laisse-les croire, je suis en chien. Zifou, on m'a jeté au loup, j'en suis revenu chef de la meute. Je débarque, je provoque une émeute en raffole. Mais s'il te plaît, fais pas la folle, j'ai pas le time pour tous ces mongols. Trop vénère, ils le savent, je baise leur mère, je les mets à terre. Mon barreau c'est du verre, je crache de l'acide. Mon rap est toxique pour les minots anti-michto. Je me tue à la weed à 3 balles, le lock, j'en fume toute la ville. C'est DG sans le vol. C'est DG, c'est les tauliers. C'est DG, ça sent la bonne, oui. C'est du mat, je vous dis bonne nuit. C'est DG. C'est DG, c'est les tauliers. C'est DG, ça sent la bonne, oui. C'est du mat, je vous dis bonne nuit. C'est DG, sans le vol. C'est DG, ça sent la bonne, oui. C'est DG, sans le vol. C'est DG, ça sent la bonne, oui. Ça y est, ça y est, ça y est. On est là, on est au complet. Jounès est arrivé. Vous pouvez l'entendre jacasser. Vas-y, jacasse, jacasse. Rizzo est arrivé. Parce que Rizzo sera là dans la deuxième heure pour sa chronique. Bonsoir à tous les auditeurs. Oui. Voilà. Tous les jeudis. Ciao. Jounès. 22h minuit. Je m'y attendais pas. 101.8. Du coup, tu peux le remettre, s'il te plaît, parce que j'étais pas prêt. La 25e. Tous les jeudis. Ciao. Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah, la 25e, ça y est. Il est 22h12. Donc, à chaque minute de retard, Jounès, il vous doit un snack food. Ouais. Donc ce soir, il y a déjà Rizzo, il y a déjà Kirikou qui est arrivé pour son émission. Menu à 8 balles minimum. Menu... 8 balles minimum, vous voulez on est bien. Vous voulez assiette. On est bien. La soirée, elle commence bien déjà. Tu vois. Ce soir, c'est assiette. Aujourd'hui, il faisait beau. Jounès, il est en retard, il paye son snack. C'est bon, tu vois. Repas. Il y a R dans nos comptes en banque. Donc ce soir, pour ceux qui ne sont pas au courant, sur 101.8, Radio-Sud.net, c'est l'émission spéciale Kirikou. Mais il est où ? Bienvenue. Il est où Kirikou ? Parce que moi, on m'a dit Kirikou. Moi, je connais Kirikou, c'est un petit noir. Oui, c'est un petit là, noir. Là, c'est un colombien. C'est un petit là, noir. T'as colombien. Ah, c'est Kirikou. T'as celui de Colombie. Voilà. Bogota. Eh ouais, gros. C'est celui de Bogota, frère. Kirikouinho. Tu vois, un bail comme ça. Ça va ou quoi ? Ça va, très bien, vous ? Tranquille, hein ? On est là. Ça fait plaisir de te recevoir, tu vois. Là, merci. Là, tu vois, tu as eu déjà une grande discussion avec Rizzo. Ça m'a donné envie de te poser plein d'autres questions. Donc ça, je te les poserai après. Ouais. Ben ouais, t'étais pas là, Jounès. Tu peux pas savoir. Voilà. Les montres, le temps. Je vais pas te faire un dessin. Vous avez les montres, on a le temps. Ouais, là, gros, là, je sors d'une nuit presque blanche. Vas-y, tu vois, tu connais. Quel comble pour un noir. Hein. Hey, allez. Hey, facile. Poetry. Ok, on te demande pas plus de détails. Ça va aller. Non, ça bossait sur des projets vidéastiques. Ah oui, donc avant de commencer l'interview, je voulais dire qu'on a notre ami Jounès qui se lance dans la vidéo. Soyez-en sûrs, dans pas longtemps, on entendra parler de lui. T'as les rages, mais ce genre de court-métrage. Ouais, fume debout. Voilà. Maman éteint la radio. Ça va jouer à la pétanque. Ok, donc ce que je propose... C'est que tu balances le jingle et puis on se met en mode et puis on part pour l'interview. Kirikou, ça y est, t'es ouais, prêt? Ouais, je suis OP. Mais avant tout, il doit nous faire un petit big up quand même, la tradition. Bah ça. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Mets le jingle et puis on est parti. Excuse-moi, gros, je suis pas connecté. Ouais, tranquille. Allez, je te balance ça. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah, la 25e, ce soir, c'est l'émission spéciale Kirikou. Alors Kirikou, tu vois, t'as entendu le jingle là qui vient ouais, de passer ouais. En fait, tu dois faire la même chose. Oh, tu dois faire à peu près la même chose. Bah, big up à vous. Hein. En fait, attends, calme-toi. Ah, il est chaud, hein, il est parti ouais, au calme-toi. Ouais, j'ai 22 ans. Non, en fait, on va te repasser le jingle. Dès que le jingle est terminé, tu nous fais un petit big up, comme t'as commencé, tu vois. Et puis nous, on va se servir des voix, tu vois. Là, seulement maintenant, je commence à mettre les podcasts sur la chaîne. Mais là, on va refaire des jingles parce qu'on n'en peut plus, gros. C'est le même qu'on écoute depuis 4 mois, tu vois. Easy. C'est parti, Jounès, tu lui balances ça. Après, c'est à ton tour. Puis mais on est parti. Il faut quand même dire aux gens qu'on n'a pas de droit d'auteur, que le jingle n'est pas déposé à la SACEM. Ouais, vois, le jingle n'est pas encore déposé. Parce qu'on le lance. Oh, on pourrait le poser. Ouais, mais là, je suis en train de faire. Moi, et là, je suis en train de faire mes démarches. Des hommes d'affaires. Hein, je vais le poser en même temps que ça sera fait. Ouais, mais. Ça sera fait. Edinho, la jambe de bois. Et le jambe in the building. Boldingzer. Ok. Bon, on va déposer ce jingle, je le balance. Vas-y, bouge pas. Je te rebalance ça, Kérékou. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Big up à vous, Radio Sud, Jounès et à Ciao. 101.8. Merci. Yes, bien joué. Bien joué. Arrête de crier, s'il te plaît. Parle tranquille. Voilà. Ok, alors Kérékou, je voulais savoir sur les réseaux, ouais, si on veut te trouver, si on veut t'ajouter. Ouais, bah sur Snap, c'est Kérékou Kolo. Kolo. Ouais, C-O-L-O à la fin, tout okay, attaché, Kérékou Kolo. C'est les verts. Et sur Insta, c'est Dairon Kérékou Colombie. Ah, okay. Kolo pour Colombie, ok. Et sur Facebook, c'est Kérékou Colombie. Ok. Donc Colombie à fond, quoi, en fait. Ouais. Non, sur Facebook, c'est Dairon Kérékou Colombie aussi. Ouais, ok. Vas-y. Toujours. Dairon Kérékou, Kérékou on Colombie, Kérékou Colo pour les snappers. Voilà. Je venais sur lui mettre la mara au cul. Hein? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Apparemment, t'as un cartel sur le dos. Ah ouais, vous inquiétez pas. Ça, c'est pour le retard, ça. C'est pour le retard. Vous inquiétez pas. L'habitude. Vous inquiétez pas. Ce que je propose, Kérékou, c'est de te présenter avec un premier son. Ouais. Donc, tu veux diffuser lequel? C'est toi qui choisis. Kirikou, tu m'as envoyé 5 sons, c'est toi qui choisis. Mais il est mal. Kérékou. Mes péripéties. Péripéties. Attends, je cherche ça dans la playlist. Featuring Karaba. Karaba. La sorcière. Alors, mes péripéties. C'est ça. Ouais. Yes. Donc, on va balancer ça. Je balance le premier son et puis après, on part pour les questions. C'est bon ou quoi? Marche. Yes, la 25e spéciale Kérékou, radiosud.net, 101.8, tu connais. Perdu et quand je fume le shit, c'est le mal qui me perturbe. Depuis tout jeune, j'ai quitté les études. Un pied sur le bitume, fiché au stup. Maintenant je dis stop, mes erreurs je les assume. Du goudron dans nos poumons, rien que ça s'enfume. C'est quand tu fais courser, tu attrapes des courbatures. Ils sont venus péter, il est 9h, y'a la chemiture. On rappe à l'usure, nos pensées saturent. Ça n'empêche pas d'être marqué au tatouage et au point de suture. J'avais un bel avenir tracé, mais j'ai choisi la hure avec le chant des sirènes qui t'emmène en GAB. Et ça, je vous le répète, c'est la triste réalité. Comme serrer la main à des putains de traits. Je mets rien dans mes narines, mais sur eux, j'ai tiré un trait. Allez, venez, je vous emmène dans mes péripéties. Tu peux me trouver à Besançon ou à Saint-Denis sur le périph'. Fais gaffe à la Suisse avec la canine. Je suis un Colombien, pourtant je prends pas de cocaïne. Mon passé est derrière moi, mon futur reste à venir. J'ai ma famille, quelques amis qui m'aident à me tenir. C'est les seuls dans les durs moments qui arrivent à me faire sourire et me faire sortir de cette vie monotone où dans mes rêves, je voulais brasser des tonnes. Maintenant c'est fini, j'ai mon petit bonhomme et sa petite voix dans ma tête résonne. Il m'a fait prendre la raison, arrêter de tourner en rond, me balader au quartier, au village, arrêter de faire des carnages. Faut pas suivre les cons, plutôt écouter les sages. Le temps passe si vite, putain j'ai pris de l'âge. Le monde évolue, on n'est plus au Moyen-Âge. Ça fait 10 ans que j'écris ma putain de rage. Allez venez, je vous emmène dans mes péripéties. Tu peux me trouver à Besançon ou à Saint-Denis sur le périph. Fais gaffe à la Suisse avec la canine. Je suis un Colombien, pourtant je prends pas de cocaïne. Allez venez, je vous emmène dans mes péripéties. Tu peux me trouver à Besançon ou à Saint-Denis sur le périph. Fais gaffe à la Suisse avec la canine. Je suis un Colombien, pourtant je prends pas de cocaïne. Je comprends plus rien, étant petit, on me traitait de bon à rien. Avec mes frangins, aujourd'hui je sais plus sur qui compter. Et ça me casse les couilles quand je sais que c'est l'amitié qui m'a baisé. Donner sa confiance à des soi-disant refrains, c'est la sentence, faut rien regretter. C'est depuis l'enfance que j'ai chaviré, échec scolaire, c'est la galère. plein, je rentrais chez moi, confrontation avec mon père. Personne pour m'orienter, le bahut je l'ai mis de côté. Je pensais qu'à faire des billets, des cours, je l'ai séché à la tour postiché. Papa. Allez venez, je vous emmène dans mes péripéties. Tu peux me trouver à Besançon ou à Saint-Denis sur le périph. Fais gaffe à la Suisse avec la canine. Je suis un Colombien, pourtant je prends pas de cocaïne. Radio la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. Yeah, Kirikou, on a passé le premier son, mes péripéties. Eh ben, est-ce que, parce que moi, du coup, j'ai vu le clip, tout ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce que t'as enregistré, comment t'as clippé, tout ça, tout ça? Ouais. Bah, en fait, j'ai enregistré chez un ami à moi, qui a un studio chez lui à Saint-Claude. Et je l'ai enregistré et tout. Et après, j'ai contacté un caméraman, Maïdo. Ok. Et en fait, à la base, ce clip, il devait avoir pas mal de personnes dedans. Et au dernier moment, il y a eu pas mal de faux plans. Ok. Et donc, en fait, ça a été tout improvisé. Mm-hmm. Et il est venu le jour même et il n'y avait qu'une personne. Et au final, on a commencé. En fait, tout le clip s'est déroulé comme on a commencé. Il n'y avait rien qui était programmé. Ok. Tout était de l'improvisation. Et on voulait surtout faire montrer un peu Besançon, mais pas qu'un endroit. Mm-hmm. Un peu comme qu'on s'appelle le petit train de la Citadelle. Ça, okay. ça t'amène un peu partout dans Besançon. Ça t'amène d'un des quartiers de Besançon jusqu'à une belle vue, la Chapelle des Buttes. Donc même pour ceux qui connaissent pas trop Besançon, ça fait... Ouais, on peut visiter. Voilà. J'ai rarement vu le train de la Citadelle à perso. Hein. Tu dis qu'il traverse des quartiers et tout ça. Tu me réponds, nous, on n'a même pas le tramway. Oui. Je tenais à le dire quand même. Ok, donc mes péripéties disponibles sur ta chaîne. Ouais. Ta chaîne. Kirikou Bezak. Kirikou Bezak. Ok. Ok, merci. Alors, Kirikou, quel âge t'as? J'ai 22 ans. 22, tu rappes depuis combien de temps à peu près? 22 ans. 10 ans environ. Ouais. J'ai commencé à gratter, ouais, vers 11-12 ans. Ok. Et. Ça fait 10 ans que tu rappes? Ouais, ouais. Ouais, en fait, ça fait 10 ans que tu rappes, mais on va dire que officiellement. Officiellement, mon premier clip, je crois, il est sorti, j'avais 15-16 ans. Ouais. C'était vraiment au tout début, bah, c'est celui qui m'a enregistré mes péripéties. Ok. C'est Tokar ? Non, non. C'est de T2I. De T2I. Ah, ouais, ok, je vois qui c'est. Ça me dit quelque chose. Si, si, je vois qui c'est. C'est Estnev sur. Ouais, voilà. Bah, c'est chez lui que j'enregistre, à Saint-Claude. Il a son studio chez lui. Ok. Donc, c'est pour ça. Et donc au début j'ai commencé avec lui, on a fait une première vidéo. Après j'avais arrêté un petit moment, après j'ai recommencé, je suis allé enregistrer chez toi. Ok. Insomniac. Yes, exact. Après là j'ai commencé à essayer de faire des clips à peine plus cadrés, on va dire. Et au début Insomniac pareil, il y avait que 2-3 plans, c'était vraiment le début. Puis même la musique en elle-même, il fallait que je prenne un peu plus de maturité. Puis après il y a environ un an ou deux, là mes techs j'ai commencé à m'améliorer. Et donc C'était abattant. Insomniac? Non, c'était vers Mati, là, ouais. Sur le boulevard. Ah, ok. Mais à Batan, je suis déjà venu chez toi. Parce que j'ai enregistré un son avec Tokar et un autre gars. Et ton ordinateur, il a planté. Et le son s'est fumé. Parle bien. Son Amstrad CP128. Voilà. Tu vois, parle bien. Je m'en rappelle bien. En fait, ce que tu sais pas là, c'est que c'est lui qui t'a préparé ton émission. Parle bien. Merci pour cette info. Je m'en rappelle merci bien. Beaucoup. Une petite anecdote. La bagarre. Ok. Octocode. Et du coup, j'ai cru comprendre. Enfin, je suis presque sûr. Maintenant, je suis sûr. Allez, je suis sûr. T'es colombien d'origine. Ouais, bien joué. Alors, du coup, t'as eu une grande discussion là avec Rizzo que je trouvais plutôt intéressante. Ouais. Ton lien avec la Colombie, c'est quoi? C'est beaucoup de souvenirs, parce que j'ai une histoire. Et comme je suis né là-bas, et ben, ça fait que moi, j'étais adopté et je suis parti très jeune de là-bas. Et il y a une partie de moi qui est restée là-bas. Je peux pas vous l'expliquer comment, c'est juste une partie de moi. C'est normal. Et en fait, c'est cette partie-là qui m'a pris et qui m'a poussé aussi à rapper. Parce qu'il n'y a que dans le rap où c'est que cette chanson-là où j'arrive à trouver quelques réponses à mes questions sans demander aux personnes. Juste j'avais besoin d'écouter. Et un jour, je me suis dit, bah, autant essayer de faire pareil, parler de ma vie, parler de la Colombie. Après, je ne suis jamais retourné pour l'instant et j'attends d'être plus mature pour y retourner. Okay. Ce n'est pas un pays que j'ai envie d'aller en touriste, ouais. Surtout pour ma vie. ouais. Ma vie personnelle, donc mm-hmm. Ok. Et le Blas Kirikou, du coup, parce que ouais. Tu sais, forcément. Ça pue pas la Colombie, Kirikou. Ouais. Forcément, tu vois, je me suis dit, bon, Kirikou est un enfant vivant dans un village africain imaginaire, d'une taille minuscule, tout nu et très, rapide. Tout nu et très rapide. Là. Ouais, il se distingue par sa bonté et sa grande intelligence mais là, qui lui permettent d'apporter toutes sortes de bienfaits aux habitants de son village. Mais là, il est tout nu sous son t-shirt. Mais en fait, Kirikou, ça remonte à longtemps. C'est parce qu'en fait, j'étais en vacances. Et il y a longtemps. Il y a longtemps de ça, j'étais en vacances à la mer. Et en fait, il y a un été où j'ai bronzé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un coup, un pote à moi de là-bas m'a appelé Kirikou. Et en fait, je suis resté un mois là-bas. Et en fait, tout le long, tous les jours, j'ai entendu Kirikou. Et comme j'étais taqué bronzé, et quand je suis remonté, bah, j'avais un pote à moi qui était de vers chez moi, qui continuait à m'appeler Kirikou. Okay. Et après, un coup, je me suis dit, vas-y, j'aime bien. Et dès que les gens ils me demandaient. Parce qu'en fait, j'ai un prénom qui va pas avec ma tête. C'est quoi ton prénom? Étienne. Ah ouais, ok, d'accord. Donc ça fait choc. Okay. Et okay. Donc même Kirikou, à la base, les gens ils croient que c'est un Renoir. Mm-hmm. Mais avec ma tête, ça passe mieux qu'Étienne. Mm-hmm. Et à chaque fois, on me demandait. Puis des fois, quand je disais mon prénom, les gens ils me croyaient pas. Ils d'accord. croyaient que c'était une blague. Okay. Puis au bout d'un moment, je dis appelle-moi Kirikou. Comme ça, okay. au moins, il y a. C'est encore ouais, plus y a une rien. Blague aussi, Kirikou. Ouais, mais ça passe mieux. Dayron. Ouais, Dayron, c'est mon deuxième prénom. Ah, c'est ton deuxième ouais. prénom. Okay. Et mon troisième, c'est Résus. Ok, Résus. Que... Ah Résus. Voilà. Okay. Et c'est juste qu'en France, c'est un peu dur de. Ouais, avec ouais. ma tête, ouais. porter Résus, c'est un peu difficile. On dira Jésus donc, en France. Tu vois. Ouais. Bah voilà. Ouais. Mais Jésus, quand t'es petit, c'est dur à porter. Amen. Mm-hmm. Amen. Ouais. Et okay. tu t'es jamais appelé Colombiano? Si. Si, à une époque. Hein. En fait, je me suis appelé Colombiano au tout début. Et en fait, un jour, je sais pas, j'ai mis Colombiano sur YouTube et j'ai vu des gens et ça m'a frustré. Et... C'est Colombiano ? Bah, en fait, j'ai vu un rappeur de Colombie qui s'appelait Colombiano. Ouais, c'est logique. Et ça fait que, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai dit non, vas-y. Puis Kirikou, j'ai jamais entendu et tout. Puis comme c'était un délire de moi-même. Je vais te montrer, il y a un dessin animé qui s'appelle. En musique, mais sinon, un dessin animé, même lui, il m'a beaucoup. J'ai regardé beaucoup et ça me faisait délirer. Mmh, c'est pour ça que quand on m'a assimilé à lui, et en fait, on m'a assimilé à lui surtout parce que j'étais bronzé et parce que je courais vite quand j'étais petit. Parce que je fumais pas, etc. Et ça fait qu'en vacances, bah, dès qu'on avait des jeux de balles, des choses comme ça, c'était tout le temps le premier. Et donc, c'est des grands qui m'ont appelé comme ça et c'est de là que. Ok. Si, si. Parce que ouais, il y a Colombiano, il y a bon, Tunisie, il y a Tunisiano, il y a Algerino. Voilà. Là, je voulais Colombiano. À la base, moi, c'était vraiment ça. Et après, je sais pas pourquoi, le jour où j'ai vu sur YouTube, je me suis dit, j'ai pas envie de. Je sais pas, ça m'a frustré. J'ai pas envie de reprendre un nom de quelqu'un. Mm-hmm. Même si c'est mes origines, j'ai dit, vas-y. Puis là, Kirikou, c'était vraiment moi-même. C'était... Donc, je trouvais que c'était mieux. Sinon, c'était un peu trop facile, en fait. Mm-hmm. Okay. On en avait déjà un. Et en dehors du rap, est-ce que le rap c'est toute ta vie? Est-ce que tu taffes? Est-ce que je sais pas, tu vois? En dehors du rap, ouais, je taffe, bah j'ai une vie de famille, donc faut que je m'occupe de ma famille, parce que j'ai un enfant, puis je vais avoir une fille. Ok. Félicitations. Merci. Et puis à côté de ça, ouais, je travaille. Bon, en ce moment, je suis livreur de tacos okay. à Food Night, un big up. Ok, Food Night. Il y a qui Food Night? Comment? Ok, on a un nouveau partenaire. Non, c'est bon. On va partenarier. Voilà. Donc okay. en ce moment, voilà, je travaille là-bas. Et puis sinon, voilà, on travaille, on fait des choses. Le rap, c'est surtout une passion. Je le mets quand j'ai du temps. Avant, je le mettais en priorité. Puis un jour, j'ai capté que ça ne me ramenait pas d'argent. Au mm-hmm. contraire, une passion t'empère au début et peut-être même jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand j'ai eu mon premier enfant, c'est là que je me suis dit, faut que je mette mes passions de côté et mes priorités en avant. Yes. Et c'est là qu'après, j'ai choisi de plus de travailler, faire des choses. Et le rap, comme pour aller au studio, tout comme ça coûte des sous, faut des sous de côté. Et quand il y a une famille à faire, faut d'abord la famille. Donc après, dès que j'avais du temps, un peu d'argent, hop, j'allais voir au studio. Okay. Et c'est comme ça que ça faisait. Très bien, très bien, très bien. Si tu devais te définir en un mot, toi, tu dirais que t'es quoi? Rapide. Nu. Persévérant. Persévérant. Ouais. Ok. Ta plus grande fierté, bon, bah, je pense savoir ce que c'est. Mes enfants. Yes. Ok. Si tu devais définir ton rap en deux mots, allez, en trois mots, tu dirais que ton rap, il est quoi? Conscient. J'ai qu'un mot, c'est conscient. Conscient. Ouais, okay. Conscient. Yes. Écrire des textes pour toi, c'est quoi? C'est. Avant tout, c'est du plaisir. Et c'est aussi une forme de libération. Parce que quand je fume, en fait, il y a certaines fois... Oh, on t'a dit écrire. Il y a certaines fois, en fait, genre... je sais pas, que ça soit au boulot ou dans la vie de tous les jours, il y a certaines fois, il y a des personnes, ils vont me heurter. Et pour pas créer d'embrouille, de malaise ou autre, je vais garder en moi. Et en fait, je vais écrire. Et comme ça, en fait, quand je vais sortir un son, il y a certaines personnes qui, quand vont l'écouter, ça va leur donner un pic. Mais pas un pic méchant. C'est juste un pic où ils vont se dire peut-être que ce jour-là, il aurait pu me le dire. Mais au contraire. Et ils l'entendent comme ça, puis ça les prend pas différemment. Enfin, ils l'entendent différemment. Donc, allume-les-moi tous. Donc, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu marques dans ton calepin. Non, non. Toi, Death Note. C'est le Death Note, toi, tu vois. Toi, tu vas entendre parler de moi. T'es le clasheur de l'ombre, en vrai. Ça se trouve, c'est toi, masqué. Ok. Ouais, donc c'est un exutoire, quoi. Ça permet de... Ouais, ça permet de me libérer défouler de beaucoup de choses. Mais il n'y a même pas qu'en rapport avec le travail ou autre, même avec ma famille. Mm-mm. Par exemple, des problèmes avec le daron, des choses comme ça. Mm-mm. Des fois, on a un peu trop de fierté ou des fois, il ne faut pas le dire. Parce que mm-mm, ça peut créer pas mal de problèmes. Alors, quand on le fait, c'est sûr que mes parents, par exemple, ils n'écoutent pas mes sons. Mais dès que j'en fais, j'essaie de les faire écouter au moins une fois. Parce que la plupart du temps, il n'y a pas trop de gros mots, pas trop de trucs trash. Parce que mm-mm, je sais qu'ils écoutent aussi. Et donc des fois, bah, pareil, c'est des messages pour ma mère, mon père, ma soeur, un peu mon entourage, mais en positif et en négatif. Ça tout dépend des gens. Et après, ceux qui le prennent pour eux, des fois, ça veut dire que c'est bien. Ouais. Puis à l'inverse tout le monde aussi, l'entend. Des fois, il y en a, ils le prennent, c'est même pas pour eux. C'est pour ça que pour ça, j'aime bien, je mets pas de mots, je vise personne, c'est juste des gens, et s'ils veulent se reconnaître et qu'ils doivent se reconnaître, ils se reconnaîtront. Ok. Tes deux plus gros défauts, c'est quoi? On va commencer la gentillesse. Ouais. C'est pas un défaut, ça, mon gars. Si. Si, grave. Je suis têtu. La gentillesse, ok, et t'es têtu. Têtu, non, c'est bien, la gentillesse, c'est relou. Je peux pas laisser passer ça. En quoi la gentillesse est un défaut? C'est relou, frère. En fait, la gentillesse, c'est que c'est un on défaut. On en profite, après. Les gens, après, ils marchent non, trop sur toi. Tu peux être gentil avec des gens qui le méritent. Oui, mais après, quand les gens le méritent, mais tu sais, on est en 2019, frérot. Tu sais comment c'est. T'es gentil avec... Frérot. Il y a des gens, t'es gentil avec eux, gros, ils croient que t'es machin, faut les jeter du pont pour qu'ils comprennent que t'étais pas gentil. Ah oui, c'est la naïveté le défaut. C'est tu vrai. Tu peux être gentil, tu sais, tu peux être bien, tout ça. Ouais, mais. Hein? En 2019, c'est dangereux, on va dire. Moi, je le comprends. Ouais. Moi, je le comprends. Franchement, je le comprends. Ouais, tu vois. Moi, c'est plus la naïveté que la gentillesse. Ouais, c'est vrai, ça va ensemble, on va dire. Il dit de ne pas mélanger la naïveté et la gentillesse, c'est ça qu'il dit. Tu peux être gentil et faire des gros fuck à tout le monde. Enfin, à tout le monde. À ceux qui sont pas ouais, concert, mais c'est, surtout non, que la gentillesse, des fois, c'est qu'il y a des c'est gens au niveau des rapports, frère. Et au niveau des rapports. Voilà. Toi, personnellement, t'es ouvert à tout le monde tranquille. Tu sais, t'arrives, tu dis bonjour poliment. Bah oui. Tu vois, n'importe qui y a devant toi, tu vas pas le prendre truc. Mais il y a des gens dans leur vocer, déjà, de la manière dont tu leur as dit bonjour, ils se disent ah oui, ils sont déjà en train de gnagnanter. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc, la gentillesse est têtue, quoi. Têtue, ouais. Bah, têtue, c'est que même quand des fois je sais que j'ai tort. Bah, je préfère aller jusqu'à fond dans le mur. Et dès que je suis dans le mur, je dis bah, c'est de ma faute. Pas têtu, c'est juste que t'es con. C'est pareil. C'est pareil. Non, mais... Et tes deux plus grosses qualités, du coup, c'est quoi? Je suis têtu et je suis. Non? Ouais, mais mes qualités, je sais pas, je suis généreux. Ok. Et puis. Je sais pas. J'en ai qu'un. Je suis généreux. C'est la générosité. Ouais. Ah, la générosité. Non, comment. Quand on a le pardon trop facilement. Il y a un nom spécial, je sais plus comment il s'appelle. T'es bon. Pas rancunier, quoi. Ouais, enfin, il y avait un autre mot, je sais plus c'est quoi, mais ouais, en gros, voilà, c'est ça. En fait, je pardonne trop vite. Ça aussi, ça peut être une qualité, une gentillesse. C'est que des fois, j'essaie trop de. Autour de la table, t'as que des mecs de chez Larousse, donc. Ouais, là, c'est niveau des... Non, bah, t'es un gardien, t'as le droit d'être un gardien. Hein. C'est pas parce que tu fais du rap, tout ça, que. Pas comme Jeunesse, tu vois, t'as le droit d'être différent de Jeunesse. Non, mais c'est pour expliquer que c'est des qualités, mais ça peut se transformer en défaut par rapport à la personne en face. Ouais, tout à fait, je comprends. Ouais. Mais je dis ce que j'ai envie de dire. Ouais. T'as des tatouages assez menaçants quand même, toi, là. Tu me menaces, là. Attends, on va en parler après. Ouais, on va en parler après. Ok, range ton gun. Je suis pacifiste. Ok. Bon, écoute. Ah, t'allais dire quoi? Ah non, il a dit je suis pacifiste. Ah, ok. C'est un gars bien, en fait. Ok. On a Kerry James. Ouais, mais de Bogota. C'est un gars bien, mais de Bogota. Donc, mec. Assassiné. Ok, moi, je propose de diffuser deux autres morceaux. Tu proposes, toi aussi. Ouais, bah ouais, je propose direct. On en parlait bien, tout ça. Je propose des trucs. Non, je propose de diffuser deux autres morceaux. Ouais. Du coup, tu veux mettre lesquels? Ma confession. Et puis, à l'époque. À l'époque. Ok. Allez, c'est parti. L'émission, la 25e spéciale Kirikou. On va balancer ma confession en premier. Et on enchaîne directement dans la foulée. Des fois j'ai l'impression de tourner en rond avant de me torcher le citron ivré sur la voie publique. On est des pocherons alcoolisés. On n'a pas compris quand on en rond le talus. Éviter de peu pour décompresser, rentrer à la maison. Je mets un joint d'eux. Je me remémore ceux qui sont partis aux cieux. Je repense à mes torts. J'ai de la foi, je donne mon amour envers Dieu. Et un jour je serai avec eux. Mise pas ta vie sur une partie de jeu. Beaucoup trop d'argent te ramène que des envieux. Des embrouilles pour un rien, il pleut des douilles. Avec un regard on passe à la fouille. Être un homme c'est savoir porter ses couilles. Savoir se relever, sa fierté la mettre de côté. La galère, la colère, ça fait pleurer nos mères à Guamère. Repensant aux frères au cimetière. La galère, la colère, ça fait pleurer nos mères à Guamère. Repensant aux frères au cimetière. On a tous envie de changer d'atmosphère. Un endroit moins monétaire. J'aime pas trop les ordres, je suis pas fait pour une carrière militaire. Dans un verre, Lucifer nous donne trop de colère. J'ai grandi sans repère, c'est la violence qui m'a éduqué. C'est les coups que j'ai pris qui m'ont forgé. J'avance grâce aux erreurs du passé, je suis pas désespéré. Trop de fois alcoolisé, je noyais mes soucis. Aujourd'hui je vous remercie, je vous emmerde avec le sourire. Ça a bien changé depuis les années 2000. On veut tous péter le mili pour partir dans les îles. Avoir vu sous le Nil, j'ai emmené ma petite famille. Mes priorités c'est plus les blindes à la vanille. Essayer de marcher droit, je suis devenu un père et ça a renforcé ma foi. La colère, ça fait pleurer nos mères à Guamère. Repensant aux frères au cimetière. La galère, la colère, ça fait pleurer nos mères à Guamère. Repensant aux frères au cimetière. Quand j'étais petit, je pensais à mon avenir, puis j'ai grandi. Je me dis maintenant c'est pour le meilleur ou pour le pire. Je suis en train de fonder ma petite famille, bâtir leur destin. Maintenant tout ira mieux, j'ai pris ma vie en main. Arrêter les freins à main, les excès de vitesse ou conduire sous ivresse. La vie c'est un échec et la mort c'est sa dame. C'est comme un soleil, le dos frotte le macadam. Quand j'étais petit c'était piqué piqué que les grammes. Maintenant il se défonce à la colle ou vend des grammes. Un virage, un accident et arriva le drame. Et dans cette voiture personne n'était là pour faire le sam. J'ai perdu des êtres chers qui sont partis avec un bout de mon âme. À croire que j'ai fait un pacte avec le diable. Je préfère être seul que des faux culs à ma table. En surveille jamais raisonnable. Je veux finir ma vie en Arizona. La galère, la colère, ça fait pleurer nos mères à Guamère. Repensant aux frères au cimetière. La galère, la colère, ça fait pleurer nos mères à Guamère. Repensant aux frères au cimetière. La galère, la colère, ça fait pleurer nos mères à Guamère. Repensant aux frères au cimetière. La galère, la colère, ça fait pleurer nos mères à Guamère. Repensant aux frères au cimetière. La 25e, c'était Kirikou, ma confession. On enchaîne directement avec le son à l'époque. À l'époque du terrain, wagons et les bails en sous-marin. On est les gars des souterrains, toujours des terres pour un bout de pain. À force de vendre la gueule trop, tu deviens paro. T'as rempli tes chevaux, mais t'es pas serein de ce qu'il y a derrière ton dos. Crois-moi, celui qui tentera le couteau, c'est celui après toutes ces années que t'appelais frérot. Maintenant je marche qu'avec la solitude. Moi je suis pas bien, je fume pour prendre de l'altitude. C'est ma rage qui me donne mon attitude. C'est comme ça que j'ai compris que j'étais parfait pour les études. Souvent rejeté, la vie m'a malmené. C'est en tombant qu'on apprend à se relever. Il est jamais trop tard, même à 38 tu peux te réveiller. Pendant que d'autres à 20 ans sont déjà padrés. Leur vie ont changé, c'est plus les mêmes priorités. À l'époque du terrain vague, on faisait les bails en sous-marin. On est les gars des souterrains, toujours des terres pour un bout de pain. À l'époque du terrain vague, on faisait les bails en sous-marin. On est les gars des souterrains, toujours des terres pour un bout de pain. D'adolescence est arrivé trop tôt. Bouteille à la main et dans le club bédo. Depuis tout jeune on porte des fardeaux. Bats-toi contre la vie mais évite le chaos. On récolte ce qu'on sait pendant que toi t'as fréquenté avec la trahison. Tu demandes pourquoi personne ne t'aime car dans ta tête ça tourne pas rond. J'ai encore une touche d'humour dans ce monde rempli de haine. Nos vécus sont malsains. J'ai perdu un pote dans le doux et nous dans la scène. Pour des sous ça fait des yeux doux mais par derrière ils saignent. Tu veux créer ton empire, fais Hendek à la reine. Tu veux créer ton empire, fais Hendek à la reine. Dans ce monde mal enchanté, où des gens sont mal lunés, qui sont prêts à tirer et finissent leur vie avec des regrets. Fais les choses bien ou mal, au moins t'as pas de remords. Arrête de t'embrouiller avec tes proches car pas loin est la mort. À l'époque du terrain vague, on faisait les bails en sous-marin. On est les gars des souterrains, toujours des terres pour un bout de pain. À l'époque du terrain vague, on faisait les bails en sous-marin. On est les gars des souterrains, toujours des terres pour un bout de pain. Étant petit, on arrachait des sacs à main. Sans permis, on allait taper des freins à main. Combien d'épiceries on a pillé quand on était gamin. Combien de pas j'ai fait sur le terrain. Déjà depuis tout jeune, j'ai délaissé les terrains de jeu. Je voyais mes potes rentrer, je restais avec les plus vieux. L'argent c'est malicieux, à cause de ça t'entendras pas le silencieux. des poteaux à la morgue à cause d'un accident ou un règlement. Oh, oh. C'est que quand on perd un proche, que c'est là qu'on se rend compte sur qui on peut vraiment compter. Mon métier est pas banquier, je sais même pas à qui je pourrais confier mes billets. À l'époque du terrain vague, on faisait des bails en sous-marin. On est les gars des souterrains, toujours des terres pour un bout de pain. À l'époque du terrain vague, on faisait des bails en sous-marin. On est les gars des souterrains, toujours des terres pour un bout de pain. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. La 25ème, ouais. Je rebondis tout de suite là sur des choses que j'ai entendues dans le son. Yes, vas-y. Non, pardon. T'as de quoi rebondir en même temps. Ouais, non, pardon, ça m'a échappé. Je voulais pas dire ça, désolé. Tu sais pas à qui confier tes billets, vas-y, donne. Je peux m'en charger, donc. Pour un déficit sûr et sans doute. Non, et puis t'as dit dans la chanson d'avant que tu voudrais mourir en Arizona. Non, ouais. finir en Arizona. Ouais, finir ma vie en Arizona. C'est pas la Colombie là-bas. Non, mais c'est pas parce que je viens de Colombie que je vais finir ma vie en Colombie. C'est des espaces. Ah, okay. C'est juste un endroit tranquille. Ok. Comme la boisson. Ouais, on va dire ça. T'étais pas obligé. Hein. Ouais, là, franchement. Il a mis le casque, il a cogité sur le truc. Non, mais... Il s'est dit, ouais, celle-là, je vais voilà, lui glisser. Voilà, je vais lui glisser. Attends, mais tu genre, t'as une ceinture en papier, et puis tu vois, elle a craqué la ceinture. Tu vois. Point. Kirikou, du coup, je vais passer un peu en mode tes influences, ton point de vue, les anecdotes, un peu tout ça. Ouais. Du coup, je voulais te demander 3 artistes références pour toi. Comme ça. Cynic. Yes. NTM. Yes. Enfin, il y en a 2, mais ça compte en 1. Ok. Et puis. IAM. Mais t'as 22 ans, toi ? Ouais. Wesh. Ouais, j'écoute Kobalade et puis machin. Non, mais c'est. C'est ça que tu voulais dire ou quoi ? Non, bah non. Bah, Kobalade vient de maintenant. En fait, moi, j'ai une question à te poser, en fait. Ouais. C'est que. Ma question, c'est. Donc, j'ai écouté les groupes, les personnes, les rappeurs, que tout truc. Moi, par exemple, à mon époque, on était par exemple à écouter du Quinry à fond. On pouvait pas s'identifier à des rappeurs français, en fait, si tu veux. Ouais. Et ma question, c'est l'évolution dans le rap aujourd'hui au niveau des jeunes. Tu penses que c'est les jeunes, ils sont plus portés sur les rappeurs de chez eux et qu'ils vont pas écouter l'extérieur ou? Ouais, un peu. Bah, en fait, je trouve que c'est un peu maintenant, c'est différent qu'avant, parce qu'avant, quand il y avait, par exemple, les rappeurs que j'ai sortis. Quand ils sortaient des CD, des trucs comme ça, pour donner un point de vue, on écoutait tout le CD. En fait, on essayait de se donner une image grâce à tout le CD. Et bon, aujourd'hui, par rapport à YouTube, des choses comme ça... Tu vas écouter un ou deux sons. Comme il y a tellement de sons des rappeurs locaux, des petites villes, des grandes villes, bah souvent, les gens, je vois que des fois, ils arrivent à s'enfermer dans leur ville à eux. Et dès qu'il y en a un qui pète, ils écoutent eux. Et des fois, ils se documentent un peu ailleurs, mais c'est plus comme avant. Ouais, alors c'est vrai. Avec en plus. Mais parce que c'est plus facile. Puis comme t'as beaucoup plus de sons à disposition nos jours avec. Que ça soit des Internet, sons, des clips. Ça, tu peux brasser beaucoup plus de monde, tu vois. Voilà. Mais ouais. Hey, tu parles un peu comme un daron, toi. Hein. T'es sûr, t'as 22 ans, toi. Non, je pense qu'en Colombie aussi, il y a un bail sur les cartes d'identité. Ouais, je pense que comme c'est les mecs de chez vous, quoi, tu vois, au football. En fait, c'est pas. C'est pas Kirikou Colo, c'est Kirikou Ango. Et Kirikou, avant que Jounès il dise n'importe quoi, ouais. Là, si t'as un morceau là que en ce moment t'écoutes à fond, c'est quoi, par exemple? Cynic. Ouais, je sais pas s'il a de l'actualité. Cynic et Diable. Hein. Maintenant, en ce moment, j'ai eu une musique à fond là. Pendant un bon moment, c'était Mohala Squall, midi, minuit. Ok. Et puis sinon, après ça dépend des moments. En fait, des fois, quand j'écoute des nouveaux rappeurs, je les écoute pendant une semaine non-stop, le même son. Et mais dès que je trouve une autre mélodie qui me plaît ou des textes. Mais là, ça maintenant, change. Là. C'était quoi le dernier? Là, le dernier, c'était Len et c'était RSA. Len? Ouais. Len. Ça vient de Montpellier. L-E-N, RSA. Ok. Mais en écoutant du rap français comme ça, toi qui écris justement, qui fais du rap français justement, t'as pas peur que. Indirectement, ça t'inspire au niveau du flow ou bail comme ça? Au contraire, parce que en fait aujourd'hui, je vois que la plupart de ceux qui ont mon âge, eh ben ils ont ramené quelque chose de nouveau dans le rap. qui pour des gens peut être bien et pour d'autres moins bien. Et moi en fait c'est qu'au tout début avant de faire de la musique j'étais breaker. Et donc les seules fois où j'ai commencé à écouter du rap américain c'était juste pour les beats, pour avoir des tempos, pour danser. Ouais, et en fait aujourd'hui dans les premiers raps comme IAM et tout, IAM tu pouvais encore danser dessus à l'époque parce que c'était vraiment des sons à l'ancienne avec des boom pop. Et donc on pouvait danser. Et aujourd'hui en fait ben, je me rends compte que je peux plus danser sur une musique de quelqu'un de mon âge. Et ça fait que j'aime bien écouter, mais ça m'influence pas parce que j'arrive pas. Moi, dans mes, comme à l'époque, j'essaie d'avoir toujours des rythmes et tout, comme du boom pop. Ouais, un c'est truc que qui sur parle, ça. Qui te fasse voilà, bouger avant voilà, même que. Voilà. D'accord, ok. Et c'est après, c'est différent, tout dépend de mon humeur. Oh, rien, je dis de la merde. Comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. Et quand tu t'es lancé, on va dire officiellement. Ouais. T'avais une ambition particulière ou c'était non en pas mode comme ça où tu te disais ben là vas-y je fais mon premier son je le clip tu vois parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça maintenant on fait le premier son on fait le premier clip à partir du troisième j'entame un projet tu vois est-ce que t'as eu cette démarche là ou non moi en fait ça s'est fait genre en fait je voulais faire du son pour surtout que mes proches c'était surtout pour mes proches. C'était pour faire passer des messages. Et en fait, moi, ma seule ambition, c'était qu'on m'écoute. Mais quand je vois, par exemple, à la télé les vies d'artistes, franchement, c'est pas ce que je recherche. C'est pas. Moi, je préfère juste, comme par exemple, des fois, dans mes sons, j'ai des straps qui me disent ouais, j'ai vécu le même truc que toi aujourd'hui. Oh, et pourtant, je suis personne. Et ça fait que je suis content. Et ça fait que, après, comme mon premier clip, je voulais me voir moi, en fait. C'est juste que, par exemple, si dans 10 ans, j'arrête. Bah, je sais que j'ai eu mon petit délire de rap, on va dire. Et grâce à YouTube, bah, ça me fait une historique, on va dire. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Tu me fais sortir de mes gonds, là. Pro. Quand tu vois les vies d'artistes, machin, c'est pas ça que t'as envie de faire. À la non. Vie. Bon. C'est pas son ambition, je quoi. M'appelle, Nesdiou de la Vega. Je suis directeur de Def Jam Besançon. Je te donne 1 million cash. Pour que tu fasses du son comme Kobalade, tu le fais ou tu le fais pas? C'est le million qui me choque là. Enlève-moi le million, je le fais pas. Attends, excuse-moi, attends, pardon. Comment? Bon, Non, c'est grave, Kobalade. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est. Bref, il a le cuit d'une huître. Il a le cuit d'une huître. Je vois ta question, mais non. Je dis Kobalade parce que. Une huître, frère. Le cuit d'une huître, frère. Bah, je dis Kobalade parce que pour moi, là, c'est le rappeur. Ouais. Une huître qui se prend pour un gars de Migos. Par exemple, là, bon, si on parle du million, c'est vrai que j'ai réfléchi, mais si on parle dans mes principes, je le prends pas. Ah, ok. Donc je le prends pas. On fera un débat sur Kobalade plus tard. Mais la question, c'est t'as 1 million devant toi. Ouais. T'as 1 million. T'y vas ou t'y vas pas? 1 million. 1 million, c'est pas 10 balles. Hein. Bah ouais, je sais. T'y vas, donc tu t'en bats les couilles de la vie, machin. Non, pas forcément en réalité, la vie. Parce que, genre, pareil. Si par exemple Def Jam veut me signer pour 1 million, bref, si on met le 1 million de côté, par exemple, je sais qu'au bout d'un moment, ma musique sera plus la même. Non, mais là, dans les questions, il y a le million dans la question. Tu prends ou tu prends pas? T'as 1 million, mais bon, tu dois abandonner tes elle principes. Elle est piégée. Mais non, bah, c'est une question. Vas-y, parce que, ok, je prends le million. Okay, comme ça, pour ma famille, ils sont bien. Bah voilà. Mais okay, après, c'est pas la vie d'artiste que je veux. Donc après, tu vois, c'est. Non, tu non, fais c'est pas quoi, là, chose, là. J'ai dit, t'as 1 million, tu fais de la merde comme Kobalade. Tu prends ou tu prends pas? Enfin. Pas de la merde. Tu prends ou tu prends pas? Oui ou non? Ouais, je prends. Ok, merci. Tu prends ou tu prends pas? Ouais, je prends. Ok, merci. Bon, voilà. On va sortir ça. Pareil, j'ai regardé par rapport un peu à tes sons, ce que t'as sorti, ouais, tout ça, ton évolution. Du coup, si je suis un auditeur comme ça extérieur qui arrive, je dis bon ben Kirikou, pour moi c'est boom bap, tu vois. Ouais. Et là, je suis tombé sur un clip Billet Mauve, tu vois. Et là, je dis ah, évolution musicale. Serait-il en train de passer du côté de la trap, de la tu vois. Donc est-ce que toi, t'as un style préféré, ouais, ou est-ce que... Bah en fait, mon style préféré, c'est le boom bap. Et heureusement que tu... Enfin, bien que tu parles du Billet Mauve, c'est que je suis content de cette musique. Mm-hmm. Mais des fois, quand je l'écoute, réellement, ça me ressemble pas. Okay. En fait, c'est moi, mais ça me ressemble pas. Attends. Bon, vas-y, dis-moi ta question. attends. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Le boom bap, c'est ton style, mais quand t'écoutes, ça te ressemble pas. Non, t'as pas entendu. Ah, ouais. Tu viens d'arriver, toi, ou tu te gares, là? T'es encore en retard. Moi, mon style à moi, c'est le boom bap. Ouais. Et il a parlé d'un titre que j'ai sorti il y a pas longtemps, ouais, un clip, qui s'appelle Billet Mauve, et c'est de la trap. Oui. Et en fait, je voulais essayer de poser, je voulais faire un clip dessus. Mais quand je me regarde, je suis content de mon rendu. Mais je trouve qu'au final, je peux pas continuer là-dedans. C'est pas mon délire. Je voulais juste essayer un coup pour voir, mais voilà. Autant pour moi, Non, mais t'es un gars bien quand même, je trouve. Merci. Voilà. Au moins, t'es honnête. Au moins, t'es honnête, tu vois. Et pareil, je regardais les clips. Et il y a 5 mois, alors je sais plus c'est sur quel clip, il y a Beurre de Paname Prodi qui t'a mis lourd. Avec un ingé son, ça va percer, je pense. Je mise dessus. Donc ouais. Bon, la question de Jounes de miser, machin. Est-ce que c'est une bif? Est-ce que la question de l'argent dans, ouais. Dans la réalisation d'un morceau, est-ce que c'est à prendre en compte ou pas? Ouais, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, c'est pas une vie d'artiste que je veux. Moi, tout ce que j'aimerais bien surtout, c'est que si j'arriverais à gagner des sous grâce au rap, c'est de mettre les sous du rap dans le rap. En gros, ma famille, je travaille, j'ai ma vie vraiment. Et juste que d'améliorer, que ce soit mes clips ou aller voir des studios plus chers avec plus de qualité. Donc, ça serait ma seule ambition, c'est que si je peux gagner des sous grâce au rap, c'est de les mettre dans le rap. Okay. À côté, ma vie, je travaille, tout, je fais tout bien et voilà, c'est tout. Ok. 1 million. Comment tu gagnes 1 million, tu remets 1 million dans le rap. Gros, tu réinjectes 1 million dans le rap, je pense que... Ouais, mais au bout d'un moment, ça fait des petits, donc à un moment, il faut que tu le retires. Tout dépend, je sais pas. Tu peux faire des trucs de fou, tu vois. Ouais. Ok. Et même, après, ça peut être une ambition pour d'autres choses, tu vois, mais genre pas... Par exemple, comme ici, créer des choses, par exemple, pour d'autres gens, si j'ai vraiment beaucoup de sous et tout, ça peut... Un million, tu casses 100 000, t'as Lil Wayne, en fait. Il en a rien à foutre d'où tu viens, gros. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est bête, mais... Non mais c'est vrai frère, c'est bête, mais le rap aujourd'hui gros, tu sors de nulle part gros, mais si t'as 100 000 à mettre gros, t'as ouais, les plus gros, ils s'en battent les couilles de qui ils posent. Tu vois, que tu sois connu dans le truc ou que tu sois connu ou pas, si t'alignes 100 000 sur la table, Lil Wayne il vient poser avec toi gros. Tu vois, je vois ce qu'il veut dire par rapport à s'il réalise dans le rap, s'il prend de l'argent dans le rap, réinvestir dedans, je vois ce qu'il veut dire. Tu vois, se payer des clips avec Lil Wayne sur un beat de DJ Khaled et tu vois, avec je sais pas qui. Moi, mais rien qu'avec ça, gros, tu fais des petits à la hauteur de, je sais pas, 200, 300 000 sur les 15 millions de vues que tu vas péter sur YouTube. Enfin, tu sais, en gros, quoi, je veux dire, tu vois. C'est ça. Non, mais t'es un gars bien, en fait, du coup. Non, je... En fait, je croyais que c'était un enculé. Ouais, tout à l'heure. Le gars bon, puis le mauvais. C'est non, t'es un gars bien. Voilà, c'est ça, en fait. T'as vu les tatouages, tout ça. Welcome to Gardo. Welcome to Gardo. Je t'ai dit, c'est pas bon, quoi. Je te dis, ça sent pas bon. Non, comment est-ce que t'as, chica? Bah tiens, pour parler des tatouages, ouais. Parce que j'ai vu que t'avais pas mal de tatouages. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner... T'en as combien de tatouages? J'en ai 4. Est-ce que tu peux nous donner au moins une signification? Il y en a un qu'on voit pas, là. Ouais, je peux... Tu veux, tu vois, t'es pas obligé de nous donner toutes les significations. J'en ai que 4. Si, c'est tout simple. Jésus, c'est parce que je crois en Dieu, c'est dans ma religion, puis c'est mon deuxième prénom. Jésus. Le tatouage que j'ai au poignet droit, à l'avant-bras droit... C'est la croix de ma religion, je suis protestant. Ok. Le 3, c'est un chiffre qui me porte bonheur. Ok. Parce que c'est un chiffre qui m'a toujours suivi et je suis né le 3. Comme moi. Et le 16, c'est la date de naissance de mon fils. Et bientôt, je vais avoir un autre tatouage parce que j'attends que ma fille arrive et puis je fais un tatouage pour elle. Mon fils en a un, donc ma fille aussi. Merci. T'es né quel mois? Je suis né le 3 janvier. Ouais. Ok. Très bien, très bien. Donc bientôt un nouveau, peut-être encore un autre après. Je te le souhaite, hein. Ouais. D'avoir tous les numéros là. De 1 à 30. Hein. Ah mon gars, un calendrier, tu vois. Bien, bien, bien. Et par rapport à l'espagnol, du coup, ouais. Est-ce que tu parles espagnol? Plus du... Non. Okay, en fait, d'accord. Quand j'étais petit, je parlais. Parce que ma mère, en fait, comme tu as adopté, ma mère, elle m'apprenait l'espagnol en même temps que le français. Ok. Et sauf que... Comment? Non, si. Hein. Et quand je commençais à grandir, arrivé à un moment... Eh ben, ma mère, il fallait qu'elle apprenne l'espagnol pour nous l'apprendre à moi et à ma soeur. Okay. Et après, elle a préféré choisir le français et mettre l'espagnol de côté. Oui, parce que le français, c'est très important ici en France. Un mojito, por favor. La cuenta. Le Cap Verde, ça va 2 secondes. Ouais, c'est bon. Le Cap Verde. Angolais, là. Christopher Fall. Cap Verde. Donc, si par exemple, là, je te dis, vas-y, tu te remets un peu dans l'espagnol et tu me fais de la boom bap en espagnol, tu serais chaud ou... Ouais, en plus, j'y ai pensé. parce que dans un de mes, dans mes textes là, mes prochains textes, je pensais à faire un texte et après essayer de l'apprendre en espagnol pour okay. essayer de voir. Bon, d'abord essayer de reparler un peu espagnol pour avoir pour pas faire un gros décalage, mais avoir un support pour après essayer de faire un petit délire dessus pour voir si ça peut marcher, des choses comme ça. Par rapport à la langue de mon pays. Juste un petit piège, si t'écris en français puis que tu traduis en espagnol, ça peut ouais, il y a des mots qui changent. Ouais, non, mais moi plus les rimes déjà. Je pense pas à Google Traduction. Ouais, je sais. Ouais, mais après, mais ça défonce. Hein. Moi, j'ai écrit des trucs en espagnol, tu vois, c'est certains passages en espagnol, tout ça, ça défonce. Ouais, non, mais t'écris en espagnol, mais genre, si t'écris en français puis que tu le traduis en espagnol. Non, mais moi, c'est pas ça. Ah, par exemple, parler avec des personnes. Traduire un texte américain mot à mot, tu vois. Ouais, mais c'est pas ça. D'écrire avec quelqu'un qui parle espagnol, par exemple. Bah, moi, je peux t'aider si tu veux, moyenne en finance. 100 000. tous les coups sont il permis. Anticipe le million. Il anticipe le million. Faut que je mange. Et toi, Kirikou, est-ce que t'as déjà fait de la scène? Est-ce que t'as non, déjà non, fait. Jamais, non, pas du tout. Jamais. T'es juste. T'es... Par exemple, si là, je te dis, il y a une scène dans une semaine à Vesoul, est-ce que tu serais chaud? Bah ouais. Ok. Non, parce que si jamais on m'a envoyé un petit message en me disant, ben voilà. Moi, je suis pas disponible parce qu'on m'a déjà invité ici sur Bezac. Mais tu vois, il y a une possibilité à Vesoul. Ouais. Donc, ah ouais, si moi jamais je te fais passer le. Pas de soucis, merci. Okay. Donc, le rap actuel, bon, bah, moi, pour l'instant, j'ai eu ma réponse quand Rizzo il t'a posé la question. Moi, c'était plus par rapport à vu comme il évolue. Ouais. Comment toi, est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce que tu es à ta place? Non, que... plus autant qu'avant, parce que en fait, personnellement, je traîne pas tout le temps au quartier, je suis pas du quartier à la base. Ah déjà, ouais. Premièrement, je suis pas du quartier à la base. Quel quartier? Hein? Quel quartier? Du quartier. Du quartier en général? Du quartier. Ouais. Du mot quartier, pas forcément un quartier en général, juste du quartier, premièrement. Et en fait, dans le rap d'avant, il parlait du quartier, mais il parlait des fois de certaines choses que les personnes humaines vivent. Et donc, ça fait qu'on n'avait pas besoin de se dire, ouais, parce qu'on vient de là, on écoute ça ou autre. Alors qu'aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, la musique de ceux de mon âge, déjà, ils parlent la plupart du temps, tout le temps de pointe, Bédo, Fume, Schmitt. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Mais aujourd'hui, par exemple, je suis père de famille, je traîne plus au quartier et tout. Ça fait que j'écoute des fois pour passer le temps ou en voiture, mais c'est pas ce qui va me faire cogiter ou qui va me faire gamberger des fois. Alors que des fois, par exemple, j'ai une sale journée, je vais écouter des musiques qui vont me remonter le moral. Ça va me dire, ah, c'est bien. Alors qu'aujourd'hui, les dernières musiques, je les aime bien, mais. Juste parce que j'aime la musique en général, j'aime bien tous les styles de rap. Des fois, j'écoute des gens qui sont pas du tout connus, j'ai pas de nom en tête là, tu vois, mais vraiment pas connus. Mais toute leur musique, ça va être vite fait. Et il y aura une punchline qui va marquer et puis je vais l'écouter. Ok. Et moi, j'ai une question en fait. Est-ce que t'écoutes autre chose que du rap? Non. D'accord, t'écoutes que du rap? Soit du rap, soit des instrus. Et des instrus, des fois, quand je conduis, des fois, j'écoute des instrus, je rappe même pas. C'est juste pour entendre. D'accord. Mais en termes de musique, en général, peu importe d'où ça vient, rock, variété française, peu importe, on part salsa, peu importe où on est. T'écoutes que du rap? Que vraiment. Du rap. À part quand j'étais petit, j'écoutais un peu de Renaud, Jack Brel. Ouais, quand même, c'est bien, tu vois, parce que. Enfin, moi, c'est personnel, hein, c'est pas moi, mais je pense que trop bloqué dans le rap à écouter du. Que du rap, ça... Mais c'est personnel, ça nuit à vraiment à l'écriture, en fait, quand t'es rappeur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, moi je fais du son, tout ça, et je suis un mec, par exemple, qui écoute pratiquement jamais de rap. Okay. Tu vois, j'écoute du rap américain, mais j'écoute vraiment rarement de rap. Donc je me demandais, chez les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que vraiment t'écoutes vraiment que du rap? Ou si, par exemple, tu vas écouter... En fait, je vais écouter que du rap, mais le rap... Aujourd'hui, c'est tellement grand, il y a tellement de styles, vraiment, qu'au final, des fois, quand je parle avec des potes qui écoutent du rap, quand je leur fais écouter certains sons, ils vont me dire j'aime pas, alors que c'est du rap. D'accord. Et d'autres gens, ils vont kiffer. Alors que moi, les deux sons que je vais faire écouter à deux personnes différentes, je vais kiffer les deux. D'accord, alors que c'est pas du tout le même délire. Il y en a, c'est vraiment de la trap, il y en a, c'est du boom bap vraiment à l'ancienne. Il y en a, c'est juste, par exemple, c'est pour bouger la.